Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, s'en allèrent au devant de l'époux. Or il y en avait 5 sages, et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles sommeillèrent toutes, et s'endormirent. Or à minuit il se fit un cri, disant, voici, l'époux vient, sortez au devant de lui. Alors toutes ces vierges se levèrent, et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, en disant, nous ne pouvons vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous, mais plutôt allez vers ceux qui en vendent, et en achetez pour vous-mêmes. Or, pendant qu'elles en allaient acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Après cela les autres vierges vinrent aussi, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, et dit, en vérité, je vous dis, que je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Car il en est de lui comme d'un homme qui, s'en allant dehors, appela ses serviteurs, et leur commit ses biens. Et il donna à l'un 5 talents, et à l'autre 2, et à un autre 1, à chacun selon sa portée, et aussitôt après il partit. Or celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla, et en trafiqua, et gagna 5 autres talents. De même celui qui avait reçu les 2 talents, en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, s'en alla, et l'enfouit dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Or, longtemps après le maître de ses serviteurs vint, et fit compte avec eux. Alors celui qui avait reçu les 5 talents, vint, et présenta 5 autres talents, en disant, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres par-dessus. » Et son seigneur lui dit, « Cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » Entre dans la joie de ton Seigneur. Ensuite celui qui avait reçu les 2 talents, vint, et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres par-dessus. Et son Seigneur lui dit, cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent, vint, et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as point semé, et qui amasse où tu n'as point répandu. C'est pourquoi, craignant de perdre ton talent, je suis allé le cacher dans la terre, voici, tu as ici ce qui t'appartient. Et son seigneur répondant, lui dit, méchant et lâche serviteur, tu savais que je moissonnais où je n'ai point semé, et que j'amassais où je n'ai point répandu. Il fallait donc que tu donnasses mon argent au banquier, et à mon retour je l'aurai reçu avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-la à celui qui a les 10 talents. Car à chacun qui a, il sera donné, et il en aura encore plus, mais à celui qui n'a rien, cela même qu'il a, lui sera ôté. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors, là il y aura des pleurs, et des grincements de dents. Or, quand le Fils de l'homme viendra environné de sa gloire, et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, en disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, et que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif, et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger, et que nous t'avons recueilli, ou nu, et que nous t'avons vêtu? Ou, quand est-ce que nous t'avons vu malade, ou en prison, et que nous sommes venus vers toi? » Et le roi répondant, leur dira, « En vérité, je vous dis, qu'en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi, et allez au feu éternel, qui est préparé au diable et à ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez point donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez point donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez point recueilli, j'ai été nu, et vous ne m'avez point vêtu, j'ai été malade en prison, et vous ne m'avez point visité. Alors ceux-là aussi lui répondront, en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons point secouru? Alors il leur répondra, en disant, en vérité je vous dis, que parce que vous n'avez point fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez point fait aussi. Et ceux-ci s'en iront aux peines éternelles, mais les justes iront jouir de la vie éternelle.